De jour, en Corée du Sud, les radios sud-coréennes comme CBS et KBS ont informé que le pouvoir politique sud-coréen se trouve dans une confusion par la décision de disposition du SAD. Elles ont souligné que face à la critique de l'opinion locale de la fixation de Songju de la province du Gyeongsang du Nord comme endroit d'installation du système de SAD, les députés des régions de Daegu et du Gyeongsang du Nord relevant du Parti pour un Nouveau Monde, qui se disait force principale de soutien du gouvernement de Park Geun-hye lors des dernières élections générales du 13 avril, ont réclamé le 13 à travers les conférences de presse et déclarations que le gouvernement doit prendre une mesure d'indemnisation pour la région. Les députés pro-BAC, y compris les élites des forces pro-BAC, s'y joignent. En outre, le Parti démocrate Toburon a critiqué que les autorités ont conclu unilatéralement la décision de la disposition du SAD sans aucun accord populaire, alors que le Parti du peuple a fixé l'opposition à la disposition du SAD comme le programme de ses activités.